Togo, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 15 novembre 2018. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Un expert en justice transitionnelle estime que la commission Vérité et Réconciliation pourrait initier à travers l'Assemblée nationale un projet de loi régissant le statut du combattant afin de promouvoir la mémoire collective, et la journée lui dédiée serait ainsi nationale et non réservée à des organisations particulières, comme on le constate maintenant pour le CNDD-FDD uniquement. Les états généraux de l'assurance ont été ouverts ce jeudi en gosier par le deuxième vice-président de la République qui a promis le soutien du gouvernement, surtout en termes du respect du cadre organique de ce secteur. Et une pénurie de mazout à Muyinga occasionne la hausse des prix de certains produits et la situation reste préoccupante, comme le dira notre correspondant. Et le choléra fait plus de 800 morts en RDC depuis le début de cette année, selon le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À la fin de ce journal, dans la chronique Justice, ce jeudi, nous vous parlons du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux tels que réglementés par le Code des personnes et de la famille. Voilà pour les grands titres. Bonjour. Le secteur des assurances au Burundi connaît beaucoup de difficultés, dont le faible taux de pénétration. C'est ce qui a été dit par Trinitas Gerukishaka, présidente de l'Association des assureurs du Burundi, Assure, lors de l'ouverture en province Ngozi ce jeudi des états généraux sur l'assurance au Burundi. Le ministre des Finances, Domitien Diokougayo, affirme que ce secteur occupe une place importante dans le développement du pays. Quant au deuxième vice-président de la République, Joseph Boutore, il rassure que le gouvernement reste engagé à faire respecter les lois régissant le secteur de l'assurance. Elinibel Nibigira, envoyé spécial. À côté de ce faible taux de pénétration dans le secteur des assurances, il y a également le fait que la majorité des assurances au Burundi est automobile, ce qui ne facilite pas les assureurs en cas de multiplication des accidents. De plus, selon toujours Trinitas Girukushaka, présidente de l'Association des assurances au Burundi et directeur général de la SOCABU, il y a des réformes légales non encore affinées et finalisées. Et cette présidente de l'Assure attend de ces états généraux des mesures qui permettront la croissance du chiffre d'affaires dans le secteur d'assurance jusqu'en 2022. En outre, elle espère que les partenaires, tant privés que publics, seront sensibilisés sur le rôle des assurances dans le développement du pays. Le ministre des Finances, Domitien Diokougayo, parle d'une place importante qu'occupent ces assurances dans le développement du pays, raison pour laquelle le secteur des assurances est considéré pour le programme national de développement 2018-2022. Il suggère cependant que ces assurances développent l'assurance agricole au Burundi. Quant au deuxième vice-président de la République, Joseph Boutole, qui a ouvert ses états généraux ce jeudi, il a dit que les assurances permettent aux chômeurs de se procurer du travail et rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les lois régissant les sociétés d'assurance au Burundi soient respectées. À côté du deuxième vice-président de la République, l'ouverture de ses états généraux a vu la participation de trois ministres, celui des Finances, celui de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, ainsi que celui des Droits de l'Homme, Martin Nivyabandi. Le Burundi compte, oui, compagnie d'assurance générale jusqu'aujourd'hui. Depuis la commune Mumba en province Ngozi, Elinibel Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Nibel. 20 démobilisés handicapés sur le champ de bataille, seulement parmi plus de 5000 que compte la province de Bubanza sont pris en charge par l'État. Leurs représentants dans cette province expliquent que ceux qui sont pris en charge ont été choisis selon les moyens de l'État et selon leur degré d'handicap. Les autres démobilisés réclament aussi une aide de la part du gouvernement et voudraient également que la journée nationale dédiée aux combattants soit réorganisée de façon inclusive. Spes Caritas Kawanyana pour les détails. Dans ce site construit pour les démobiliser sur la colline Gifugwe, sous colline Bihinda 2, dans la commune de Manda, on y trouve 20 maisons construites pour 17 anciens militaires de l'armée burundaise et 3 d'autres démobilisés, tous handicapés suite à la guerre, comme ils le disent. Ces 20 familles vivent dans ce site depuis bientôt 4 ans. Ces 20 familles bénéficient d'une ration pendant 3 mois composée de 100 kg de haricots, 100 kg de riz, du charbon, de l'huile, du sucre, du sel et autres. Des autres 5648 démobilisés, dont 78 anciens militaires de l'armée burundaise, vivent dans leur ménage dans les différentes collines de la province et ne sont pas pris en charge, selon Emmanuel Ntahondereye, représentant les démobilisés dans la province de Bubanza. Ces démobilisés, non pris en charge, crient à la pauvreté et demandent à l'État de les aider eux aussi. Un démobilisé du FNL rencontré à Moussegni dans la même commune de Manda a également déploré le fait que la journée dédiée aux combattants semble être du CNDD-FDD seulement et demande qu'elle soit une journée inclusive. Les anciens combattants du côté du CNDD-FDD que nous avons approchés nous ont signifié que personne n'empêche les autres démobilisés à participer à cette fête dédiée aux combattants. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Le gouvernement du Burundi peut initier à travers les deux chambres du Parlement une loi régissant le statut du combattant en vue de promouvoir la mémoire collective. C'est le point de vue d'Aloïse Batungwanayo, expert en justice transitionnelle. C'est au moment où le parti CNDD-FDD commémore depuis ce lundi la semaine dédiée aux combattants. Selon cet expert, commémorer est un droit à chaque organisation, qu'elle soit politique, de la société civile ou une institution. Suivez Aloïse Batungwanayo. Toute personne, toute collectivité, toute institution, toute association a le droit de commémorer les leurs. Et les moyens pour le faire sont différents. Cela veut dire que ce soit le parti CNDD-FDD, que ce soit le parti CNDD, que ce soit le parti KZ-FDD, que ce soit le parti FNL, que ce soit le parti FNL-Tchanzo, ainsi de suite, chaque parti de son côté a le droit de se souvenir de sa manière. Pourvu que ce moyen de se souvenir ne soit pas un moyen d'entretenir la haine envers l'autre. Mais cela veut dire que c'est une façon de libéraliser plutôt les mémoires. Il faut promouvoir l'expression des mémoires parce que l'expression des mémoires, je dis bien pas de la mémoire, contribue dans la réconciliation. Alors, comment faire pour que il y ait une journée nationale pour le combattant de la liberté, pour le combattant de l'indépendance, de la justice et de la réconciliation. Je pense que ça, c'est le rôle de l'État. C'est le législateur, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement qui doivent se mettre ensemble pour confectionner un projet de loi qui doit être étudié au niveau du Parlement et qui sera promulgué au niveau de la présidence de la République pour qu'il y ait une journée unique du combattant, une journée qui rassemble ces différentes journées qui auront été commémorées de façon différente, comme les associations le font aujourd'hui, comme les individus le font aujourd'hui, et que la Commission Vérité et Réconciliation a régulé. Donc, une journée qui pourrait rassembler tous les Burundais, et tous les Burundais, c'est-à-dire les combattants. Et lorsqu'on parle de combattants, il y a des combattants qui ont pris les armes, il y a des combattants qui l'ont fait de façon politique, il y a des combattants qui l'ont fait de façon individuelle, et qu'il y ait une reconnaissance. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Des enseignants bénéficiaires des frais de documents pédagogiques en commune Rumonge se plaignent de n'avoir pas perçu leur argent alors qu'il est disponible depuis le début de l'année scolaire en cours. Le directeur communal de l'enseignement de Rumonge reconnaît la disponibilité de ces frais et dit se préparer pour servir ses bénéficiaires. Jean-Pierre Misago pour les détails. Selon certains enseignants de la commune Rumonge, les frais pour l'achat des documents pédagogiques ne les sont pas encore fournis, même s'ils sont au courant que ces frais ont été rendus disponibles depuis le début de cette année scolaire en cours, comme le confirment même les responsables du syndicat qu'on appelle au niveau communal et même provincial à Rumonge. Ces enseignants demandent d'être rétablis dans leurs droits, comme leurs confrères des autres communes de Rumonge. Interrogé à propos, Adrien Savouchimi, qui est directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle, renvoie la balle au directeur communal de l'éducation de Rumonge. Selon Adrien Savouchimi, ces frais sont disponibles au compte des directions communales de l'éducation dès le début du mois de septembre de cette année en cours. À ce sujet, Rémi Ndeikengru, qui est directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Rumonge, reconnaît que ces frais sont disponibles à sa direction, mais qu'il manque encore du temps pour les rendre disponibles à qui de droit. Il indique que cette opération peut se faire incessamment. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On reste à Rumonge où une trentaine de maisons d'habitation, cette salle de classe de l'Ecofom Gomera 1 et le lycée communal urbain d'Obirimba et une église ont vu leur toiture endommagée lors d'une grosse pluie mêlée de vent qui s'est abattue sur la ville de Rumonge et la colline Mutambara. C'était la nuit dernière. Célestin Litang, administrateur communal de Rumonge, qui a donné ce bilan à 11h ce jeudi, demande une assistance aux personnes sinistrées. C'est dans ces circonstances que la ville de Rumonge a passé toute la nuit dernière dans le noir après écroulement d'un poteau électrique dans la vallée de la Mouremgue. Également dans l'actualité, une pénurie de mazout à Muyinga occasionne la hausse des prix de certains produits. Le carburant est introuvable depuis 3 jours. Des habitants regrettent la pénurie de ce produit stratégique qui fait fonctionner la plupart des véhicules de transport de marchandises, alors que même pour l'essence, des ruptures de stock sont devenues courantes ces derniers jours. Correspondance de Dieudonné Nzeyimana. Voilà, on m'a fait signe que Dieudonné Nzeyimana ne peut pas être en ligne en actualité de la République démocratique du Congo avant la chronique judiciaire. Le choléra a déjà fait 857 décès depuis le début de l'année en République démocratique du Congo, selon les statistiques publiées mercredi par le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette poussée épidémiologique est surtout exacerbée par le réveil des cellules dormantes dans les foyers enregistrés l'année dernière, quand 1190 personnes sont mortes de choléra pour 55 000 cas recensés. Les provinces les plus affectées par la recrudescence de la maladie sont celles du Kasaï oriental, l'Omami dans le centre, le Sud Kivu, le Tanganyika et le Haut-Katanga dans l'est du pays. En 2018, outre le choléra, la RDC fait face à sa 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ebola a déjà fait 212 morts depuis le 1er août. L'épidémie frappe la ville de Beni où la réponse sanitaire est compliquée par les tueries du groupe armé ADF. C'est la chronique judiciaire maintenant. Radio Isanganiro, chronique justice. Je l'avais annoncé dans les titres, nous parlons du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux tels que réglementés par le Code des personnes et de la famille. Dans ce contrat, les futurs époux peuvent choisir soit de partager tous les biens, soit de les séparer, ou même de partager seulement ce qu'ils acquièrent pendant leur vie de couple. Les détails avec Oban Yonguru qui s'est entretenu avec Maître Floribert Nitonga. Le contrat de mariage permet aux époux ou aux futurs époux de choisir leur régime matrimonial, prévoir des dispositions en cas de décès de l'un des époux ou définir des donations pour l'époux ou les enfants. Maître Floribert Nitonga. Un contrat de mariage, c'est une convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution. Vous voyez, les époux, avant de contracter mariage, il faut qu'ils se conviennent sur la forme, sur la façon de déterminer le statut, le sort des biens pendant le mariage. Par après, vous savez, il y a des foyers qui se disloquent. Les époux demandent des divorces pour une ou l'autre cause. Dans ce cas, le contrat qui est préalablement établi par le couple va servir pour résoudre l'après-divorce, pour résoudre beaucoup de questions qui se posent à propos de leurs biens, le sort des biens après le divorce. En général, il existe deux grands types de régimes matrimoniaux. Il y a le régime de séparation et le régime de la communauté des biens. Pour le régime de séparation de biens, il y a la séparation proprement dite ainsi que le régime de participation aux acquis. Maître Floribert Nitonga explique chacun de ces régimes en commençant par la séparation proprement dite. D'abord, le régime matrimonial, c'est l'ensemble des règles qui concernent deux époux dans les rapports entre eux et avec les autres personnes au cours du mariage et à sa dissolution. Il existe alors des grands types de régimes matrimoniaux, le régime en communauté et les régimes en séparation. Pour les régimes en séparation des biens, il existe des régimes, notamment la séparation des biens proprement dit et la participation aux acquis. Dans le régime de séparation des biens proprement dit, il n'y a aucun bien commun entre les époux. Chacun dispose de ses propres biens, il n'y a que de biens propres. Chacun est propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu. S'il s'agit des donations, de l'héritage avant le mariage et de ce qu'il acquiert ou reçoit pendant le mariage. Alors, au moment du divorce, les deux époux récupèrent les biens propres. Il n'y a pas au moment du divorce aucun bien à partager. C'est ça le régime de séparation proprement dit. Pour le régime de séparation réduite aux acquis, les époux partagent ce qu'ils ont reçu pendant le mariage. Il y a aussi un régime de participation aux acquis. Il s'agit d'une séparation de biens qui est moins stricte. Comme pour le régime de séparation de biens au sens étroit du terme, chacun peut rester l'unique propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu pendant le mariage. Mais en revanche, en cas de divorce, les époux se partagent ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. C'est ça la différence. Il est bon à savoir alors que dans tous les cas, le régime de séparation de biens sont également des régimes de séparation de dettes. Dans la deuxième partie de cette chronique, nous vous parlerons du régime de la communauté des biens, des avantages ou inconvénients de l'un ou l'autre, ainsi que de la pratique au Burundi lorsque les époux n'ont pas fait ce contrat. Merci Auban, merci Maître Floribert. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitebouti. Au micro Jean Bosco, Ndouimana, un bon après-midi.